On va peut-être passer, on voulait passer un extrait justement sur cette idée de point de départ du film. C'est un extrait du film géorgien, notamment comment le bois sculpté va servir précisément donc, à structurer le scénario du film. La première reprend. Au loin, Georgie, c'est ici, l'un de l'île Georgien. Ici, aussi, la Georgie. Ici aussi, c'est la Georgie, mais l'île c'est ici. Ici aussi, la Georgie, le dictionnaire. L'histoire de la Georgie est ici aussi la Georgie. Et le musée? Oui, peut-être pas conservateur du musée géorgien, je n'aime pas faire du sentimentalisme peut-être avec ça, mais la question paraît surprenante au premier abord, mais finalement pourquoi pas? Pourquoi est-ce que justement ce que les Géorgiens... Est-ce que tous les autres étrangers ont apporté au pays de Novelia? Pourquoi est-ce que tout ça ne serait pas au musée, puisque finalement, ça fait partie de l'histoire aussi du pays de Novelia, de son histoire contemporaine. C'est peut-être plus difficile à appréhender maintenant. On a toujours du mal d'appréhender l'histoire contemporaine. Mais en y réfléchissant, oui, pourquoi pas. Un jour, Charles Zetkinidze s'est présenté au musée. Il apportait le premier scénario de l'histoire du cinéma, sculpté plan par plan sur la poutre d'une maison en démolition. Premier scénario, il est fait. Le groupe Kartveli présente la difficulté pour un géorgien d'aujourd'hui à ne pas être du 12e siècle. Auteur Charles Zetkinidze, pendant 37 ans, OS chaque jour. Auparavant, berger en Géorgie du Sud, dont voici l'autoportrait avec son chien, son bouc noir, son bouc blanc et ses deux béliers rouges. La musique originale est de lui. Deux sortes de personnages, ceux du 12e siècle et ceux d'aujourd'hui. Personnage du 12e siècle, le premier, Tariel, dit le chevalier à la peau de tigre. Il se battra du début jusqu'à la fin, à coups d'épée et de tristesse. C'est sa façon de rechercher l'éclatante Nestan Darijan qu'il croit noyée par son père, le roi Farsadan. Le second, Aftandil, l'ami, le vrai, le compagnon de combat, du chevalier à la peau de tigre. Le troisième, un roi hindou, Pridon, qui permettra aux deux premiers de retrouver l'éclatante Nestan Darijan, en réalité prisonnière des esprits. Personnage d'aujourd'hui, deux mains de métallurgiste, celle de Charles. Pour les personnages secondaires, des lions, des femmes, des esclaves, des soldats, des vignes, des chevaux et un escalier de la vie servant à faire coulisser l'histoire vers le haut. Deux spectateurs, le poète Chota Rustavelli, qui a immortalisé les personnages du XIIe siècle dans la vie des géorgiens de tous les temps, participeront à son importance, ses chiens et surtout son chat, gardien de sa table de travail. Autre spectateur, la reine Tamar, le plus grand monarque de Géorgie, XIIe siècle. L'histoire l'appelle le roi Tamar. Rustavelli a inventé pour elle, ou pour lui, ce chevalier à la peau de tigre. Génériques au choix, l'auteur ne voyant pas très bien quelle influence il pourrait avoir sur les difficultés géorgiennes, mais persuadé qu'ils sont indispensables, en propose trois. Une fleur stylisée, deux lionceaux s'affrontant, des poules et des vignes.